Au soir de cette journée, le boulanger est assis dans sa salle à manger, près de la fenêtre. Autour de la table, quelques amis silencieux. L'instituteur, le gros Félix, le papé, Céleste, le boulanger lugubre. Ils sont bien cachés, ou alors ils sont très loin, on les retrouvera pas. Mais mon pauvre ami, ils sont partis 30, il n'en est rentré que 6. Eh oui, ben les 6, ils n'ont rien trouvé. Écoute, nous ne pouvions pas te ramener 6 boulangères. Qu'est-ce que tu en aurais fait? Ah, voilà d'autres. Entre le gigantesque boucher et Arsène. Alors? Rien, rien. On est allé jusqu'au livre, on a interrogé les passants, on a demandé aux fermes, rien, rien, rien. Ah. Puis alors, à la Croix des Moines, on a rencontré les frères Perrol qui revenaient de Mossane et du château Liban. Eux aussi, ils n'avaient rien trouvé. Continue à chercher. Ils nous ont dit que de penser à ta femme, ça leur fait monter l'imagination toute la journée et qu'ils ne pouvaient pas rentrer comme ça. Alors ils sont allés faire un petit tour à Manosque et ils nous ont dit de bien te donner le bonjour. Bon. Merci. Merci quand même.